j'avance avec humilité. C'est pas un film, ça c'est mon vécu. On s'embrouille pour futilité, au final on sera tous vaincus. J'avance avec humilité, c'est pas un film, ça c'est mon vécu. Autour de moi y'avait beaucoup d'hostilité. Avant de te trouver j'étais perdu. Et sans prévenir, t'as changé ma réalité. J't'ai pas vu venir, c'est ton cœur qui m'a invité. Paradis, mon paradis, fallait bien que j'te trouve. C'est la vie, maman m'a dit, cette fois c'est mon tour. Paradis, mon paradis, fallait bien que j'te trouve. C'est la vie, maman m'a dit, cette fois c'est mon tour. J'sais pas c'est quoi la vérité, on m'a menti depuis le début, vas-y. Tout le mal je l'ai mérité, le bien je le mérite encore plus, j'ai dit. C'est quoi la vérité, on m'a menti depuis le début. Depuis que je te connais, je suis devenu VIP. Et toute ma lumière est revenue, car sans prévenir, t'as changé ma réalité. J't'ai pas vu venir, c'est ton cœur qui m'a invité. Et sans prévenir, t'as changé ma réalité. J't'ai pas vu venir, c'est ton cœur qui m'a invité. Paradis, mon paradis, fallait bien que je te trouve. C'est la vie, maman m'a dit, cette fois c'est mon tour. Paradis, mon paradis, fallait bien que je te trouve. C'est la vie, maman m'a dit, cette fois c'est mon tour. Maman m'a dit, cette fois c'est mon tour. Paradis, mon paradis, fallait bien que je te trouve. C'est la vie, maman m'a dit, cette fois c'est mon tour.